boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Avec un des plus calmes cliniques rodéo que se lance votre 248e Pop and Rock. Ouais, 248 semaines passées ensemble. Ce soir, comme toutes les semaines, j'ai envie de vous proposer ce qui me fait vibrer. Ouais, dans Pop and Rock, on est très égoïste. Bon après, si ça vous plaît, le kiff est encore meilleur. Clinique Rodéo, trois albums, le duo rock français est bien vivant, alors surtout ne les laissez pas passer, écoutez-les, foncez-les voir en live s'ils passent près de chez vous. Mais en attendant, revenons quelques minutes vers les Kills, dont nous avons découvert la semaine passée le nouvel album. Les Kills appartiennent à ces groupes qui ont un son propre. Ce New York que nous venons d'écouter, de partager, reflète bien le son des Kills. Mais dans God Games, leur dernier opus, vous trouverez quelques originalités qui feront peut-être naître en vous l'envie de plus les découvrir. Soyez curieux, allez défricher vos territoires abandonnés. pareil que pour les Kills, quand on écoute Fontaines D.C., la voix est inimitable, même quand ils reprennent Gorge Away des Pixies, qui revient dans une version, comment dire, live cette fois, avec la bande de Francis Black. Et oui, la preuve que le Where Is My Mind n'est pas que le seul truc génial qu'ont fait les Pixies. Je vous le dis, soyez curieux. Secrets. Préférez les versions originales ? Oh, ok. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border files and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all those dreams it took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul. Hey buddy, you know you're never turning back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're whispering his name across this disappearing land, but in his coat is a red right hand. You ain't got no money, he'll get you some. You ain't got no car, get you one. You ain't got no self-respect, you feel like an insect. Well, buddy, buddy, don't you worry, he comes through the ghetto and the barrio and the bowery and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Thank you. as you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm telling you to turn it off. Well, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Avant que la voix off ne grogne ce soir... Moi, mais je ne grogne jamais, enfin, juste quand c'est nécessaire. Bon, je disais, avant que la voix off ne grogne, fonçons sur la nouveauté du soir. The Gaslight Anthem, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. En fait, je ne suis pas fan, mais dans History Books, issu de leur dernier album, ils ont invité Bruce the Boss Springsteen. Alors là, j'ai craqué. What's that you say? I knew you when... You don't look too much like my friend. Those history books filled up with crooks, stories I don't want to read again. I've tried to live 1,000 years from here. Sometimes ago, time keeps running. dans Pop and Rock, une nouveauté peut en cacher une autre. Oh la voix off, j'adore tes références. Ouais, bah écoute, chacun les siennes. Toi, c'est le Springsteen, moi, c'est les Michelin. Bon, bah no comment. Allez, seconde nouveauté du soir, deux Texans. Black Pumas, pas encore convaincus, mais leur son vaut la peine de s'ouvrir vers d'autres horizons. Black Pumas sont dans Pop and Rock ce soir et si le duo texan ne vous a pas plu, revenons à nos habitués. Do your friends not to think out loud until they swallow? Whisper thing into my brain. Your voice sounds so hollow. Swallow, yeah. Pour vous programmer Pop and Rock, cela peut être très simple. Je gratte dans ma bibliothèque musicale et j'en tire mes envies du moment. Mais parfois, c'est beaucoup plus long. Je gratte, je cherche, j'écoute beaucoup d'artistes, je jette, je garde. Et je vous propose ce qui me plaît. Et là, ce soir, je gratte beaucoup et je ne trouve rien de transcendant au travers des nouveaux albums de White Nothing et autres Black Pumas. Mais de gratter sans se salir, c'est comme vaincre sans effort. We'll be right back. Metric, les 4 de Toronto, pour leurs 25 ans, sortent Formentera 2. C'est joyeux, c'est coloré, ça fait bouger les ménages et en plus, c'est léger. Sorti le 13 octobre 2023, Formentera 2, c'est le nouvel album des Canadiens que je ne connaissais pas, mais vu les trois titres de ce soir, je vais gratter plus loin pour mieux les connaître. Mes trêves de discours, voici Suckers, troisième titre du soir de Metric. Yeah. C'était donc le dernier album de Metric, les cousins canadiens qui reviendront certainement dans Pop & Rock très prochainement. Mais en attendant... Voilà, un nouveau Pop & Rock qui se termine. Nous espérons vite vous retrouver. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, pour nous retrouver avant lundi prochain, de foncer sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bon vent à tous. be the same. Never gonna be the same. Never gonna be the same. How about that?